grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Bienvenue au Grain de sable, ici Jean Cloutier à l'animation et enfin, il me semble qu'on n'a pas été souvent ensemble cette année. Dominique Bernier, merci d'avoir voyagé toute la nuit pour être avec nous cet après-midi. Merci. Et puis Dominique, on va en profiter pour parler d'un des textes que tu as fait dans ce livre qui a été lancé officiellement là, il y a à peine plus d'un mois par Attac Québec, La dette du Québec, vérité et mensonge. Et le chapitre 9, le dernier et non pas le moindre, formule classique, vous me direz, mais quand même dans la conclusion de ce collectif, on fait référence à l'importance de ce chapitre, La pire des dettes, notre empreinte écologique. Donc on en reparle un petit peu après. Faire ce salut à Fidel Castro. Quel monument qui nous dit... Ça faisait un petit bout de temps. C'est une des nouvelles, les moins nouvelles. On s'attendait hein, au départ de Fidel Castro. Et d'ailleurs, ce qu'on a su dans ce qui est annoncé au cours des dernières heures, c'est que le premier ministre Justin Trudeau, lorsqu'il s'est rendu à Cuba, voir ou essayer de rencontrer l'ami de son père, Pierre-Éliott Trudeau, eh bien, il était déjà trop malade, donc on aurait peut-être pu prévoir sa mort plus vite. Mais essentiellement, il avait rencontré quelques jours avant d'autres chefs d'État. Et bon, on sent le malheur de Justin Trudeau, qui n'a pas eu la chance de serrer la pince à Fidel Castro depuis le décès de son propre père. Donc, on salue Fidel Castro et toute son œuvre. Est-ce que tu as une pensée pour Fidel, Dominique? Ah ben c'est sûr que hein, c'est une icône, Fidel Castro quand même, qui a laissé une marque, je pense, très très importante dans l'esprit de d'un grand nombre de personnes qui de progressistes, si on veut. La révolution cubaine, c'est quelque chose qui a marqué les esprits, qui a marqué, qui a donné le ton un peu. Dans le fond, à une partie de la pensée de gauche, on pourrait dire, en Occident, mais aussi, d'autre part, ce que j'aimerais mentionner par rapport à Cuba et à sa politique, c'est leur excellente performance environnementale. Ah oui? Tu sais, Jean, que moi, je As-tu suis... As-tu été témoin de... Je suis jamais à la Cuba, non, personnellement, mais je... Ben, en fait, tu sais que je m'intéresse aux questions environnementales général. Et que tu parles espagnol, je pense. Oui, aussi, mais en fait, c'est une... Cuba, c'est le seul pays au monde qui respecte toujours l'empreinte écologique... dont on va parler plus tard, en fait, qui respecte la biocapacité de son territoire, si on veut, tout en offrant un développement humain qui dépasse les critères de l'ONU qui sont, en fait, édictés comme qu'on appelle l'indice de développement humain. C'est quelques facteurs, notamment l'espérance de vie, la santé des populations, la mortalité infantile, etc. Donc, Cuba a su... c'est le seul pays au monde qui arrive à joindre les deux. Donc, c'est un pays dont, qu'on peut qualifier de viable pour sa population, autant au niveau environnemental que social. Souvent, les pays les plus industrialisés vont avoir un très bon indice de développement humain, mais une empreinte écologique supérieure à ce qui est viable. Et dans l'inverse, ben, en fait, les pays en développement vont avoir une empreinte écologique plus basse que ce qui est... Donc, ils vont respecter les limites planétaires, mais leur indice de développement humain va être en dessous de ce qui est acceptable pour les personnes. Donc, c'est sûr qu'il y a des... C'est pas seulement la politique de Fidel Castro qui est responsable de ça. Ils ont un peu été pris par les circonstances avec l'embargo américain. Ils ont dû développer une capacité de s'autosuffire vraiment incroyable, et aussi ils ont développé énormément l'efficacité énergétique pour cette raison-là, du fait d'avoir été coupés de l'URSS et coupés des États-Unis, des grandes puissances, après la chute du bloc soviétique, on s'entend. Mm-hmm. Donc c'est les circonstances aussi, mais disons la politique sociale développée par Fidel Castro, qu'il faut l'entendre, faut s'en rappeler. C'est le pays au monde où il y a le plus de médecins et d'enseignants par personne. J'attendais le moment de faufiler. J'étais vraiment impressionné par le film de Michael Moore qu'il avait fait, où on se promène à travers le système de santé à Cuba. J'ai oublié le titre, mais les gens pourront retracer le film sans problème. Et on est vraiment impressionné par ces grands immeubles remplis de spécialistes. Il y a des gens de partout dans le monde qui vont se faire soigner à Cuba. Effectivement, oui, c'est ça. C'est vraiment un endroit où ils ont vraiment axé sur le savoir aussi, puis en fait il y a toute une culture aussi locale de l'apprentissage tout au long de la vie et même dans les usines. Moi, j'en ai jamais été témoin, mais on m'a dit que dans les usines de cigares, il y avait souvent des gens qui se relayaient à l'avant des travailleurs qui, chacun à leur tour, faisaient la lecture à leurs collègues pendant qu'ils travaillent. Ah oui. La lecture de textes en fait littéraires pour continuer d'apprendre tout en travaillant, si on veut. Donc, il y a des initiatives comme ça de Cuba qui sont très inspirantes. C'est sûr que, bon... Il a fait des petits aussi avec Hugo Chavez au Venezuela. D'ailleurs, on a des images où il a pleuré son décès à Hugo Chavez. Effectivement. Il y a un texte qui m'a particulièrement marqué. Moi, à Attac Québec, on se préoccupe beaucoup des traités de libre-échange. Oui. Et il y a quelques années, en 2005, je crois, il y a un traité de libre-échange qui a été signé entre Cuba, le Venezuela d'Hugo Chavez à l'époque, mm-hmm. et la Bolivie d'Evo Morales. Ça s'appelle le Mercosur. Mercosur, oui. Non, pardon, pas le Mercosur, c'est l'ALBA, celui-là. L'ALBA, c'est un autre traité. Et le texte de l'ALBA est d'une poésie incroyable. Ça a tellement rien à voir. Humain, le texte est magnifique. Et ça a tellement rien à voir avec les traités de libre-échange qu'on connaît, comme l'ALENA, qui sont très technocratiques, très... très Pierre-Marc Johnsonien. Oui, on pourrait dire ça. Mais l'ALBA est vraiment beau. Et pour résumer globalement ce traité, en fait, le Venezuela s'engageait à... partager un peu son énergie, ses ressources pétrolières notamment. Bon, ça, c'est pas plus ou moins environnemental, on s'entend, mais quand même, leur apport dans tout ça, c'était l'expertise en matière pétrochimique, c'était aussi l'énergie, les énergies fossiles qui sont quand même abondantes au Venezuela. De son côté, Cuba s'engageait à fournir justement médecins et enseignants et à aller former dans les différents pays des médecins et des enseignants, ce qui est quand même intéressant. Puis à partager aussi son expertise en matière d'efficacité énergétique. Et en contrepartie, l'apport de la Bolivie qui était considérée une Bolivie exsangue, une Bolivie qui avait été vidée de toutes ses ressources par des décennies de pillages. L'avant Morales. Oui, de pillages par les multinationales américaines notamment. On acceptait de la Bolivie l'apport des savoirs ancestraux autochtones. En contrepartie du reste. Leur constitution, il y a la reconnaissance de 21 langues dans leur constitution, qui est un livre. J'ai déjà essayé de lire, mais je parle pas. Il ne lit pas beaucoup l'espagnol, mais c'est un livre d'une centaine de pages. Leur constitution, on décrit tellement de choses intéressantes avec la poésie, justement. Tout à fait. Puis en fait, ce que je trouvais vraiment incroyable et beau, c'était justement de considérer les savoirs traditionnels autochtones sur le même pied que les ressources pétrolières et que l'expertise médicale et d'éducation. C'est personnellement, moi, je trouve que oui, ça a la même valeur, mais on s'entend que dans notre monde actuellement, c'est rarement considéré à sa juste valeur, et je trouvais ça très, très beau. Bien, très intéressant. Et tu vois, j'ai une citation de Castro avant qu'on ait peut-être en musique. J'aimerais qu'on entende une de ses chansons favorites, pas nécessairement une chanson qui parle de lui, parce qu'il y en a eu plusieurs, de lui et du Che. D'ailleurs, tu faisais référence à cette chanson qui est surtout en l'honneur du Che, je crois. Hein? Mm-hmm. C'est laquelle? Donc, Hasta siempre, comandante. Alors, on n'a pas dans notre discographie ici à CKRL, mais on en a d'autres. Je cite Fidel. « Toute la gloire du monde tient dans un grain de maïs. Je n'ai jamais pensé à la gloire. L'histoire est relative. L'humanité pourrait s'éteindre. » Le soleil pourrait mourir. Donc, qu'est-ce que la célébrité? Oups! Ma guitare vous casse les oreilles! Oui? Est-ce que vous voulez Castro? Je rentre dans mon Québec de verglas, mon Amérique latine au Canada. Mais j'ai compris maintenant qu'à Cuba, j'ai un grand frère que je ne connaissais pas. Dans l'autobus en forme de cigare, qui fumait en roulant vers la Havane. J'ai vu souvent sur des panneaux bizarres la mitraillette au-dessus des cabanes. Mon ami fidèle, pour amener le peuple au ciel, sur les ondes d'une radio rebelle, il faut une samba éternelle. Qui unit la gauche et la droite, Golda Meir embrasse Arafat. Dansons, dansons dans nos forêts d'asphalte, parce qu'un président Sadat et un révolutionnaire, c'est fidèle. Demain, les arbres n'auront plus de place, refleurissons notre boule de crasse, avant que tous les continents soient chauves et qu'on assassine le dernier mot. Il faut que tous les points se soulèvent, c'est la planète de tous ensemble où crève. Des frères comme toi, ça nous en prendra mille, si nous voulons danser sur l'an 2000. Mon ami fidèle, pour amener le peuple au ciel, sur les ondes d'une radio rebelle, il faut une samba éternelle. La gauche et la droite, Golda Meir embrasse Arafat. Dansons, dansons dans nos forêts d'asphalte, parce qu'un président Sadat et un révolutionnaire, c'est un fidèle que vibre en la montagne. Un rubí, cinco franjas y una estrella. Un fidel que vibra en la montaña. Un rubí, cinco franjas y una estrella. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Qu'est-ce qu'il disait, Dominique, hein? En espagnol? Jusqu'à la victoire, très bientôt. Et donc, nous sommes rendus à parler de ton texte, La pire des dettes, notre empreinte écologique. Dominique, pourquoi parler d'environnement dans un ouvrage consacré à la dette? Oui, en fait, on s'est posé un peu la question quand on l'a écrit, mais c'est que la dette nous est présentée toujours comme quelque chose de très, très important, la dette publique, comme en fait un fardeau qu'on laisse aux générations futures qui va les empêcher d'avoir le même niveau de vie que ce qu'on a actuellement. On peut penser que oui, dans une certaine mesure, ça peut être vrai. Tout dépendant de comment la dette est constituée, tout dépendant de plein de choses, des actifs qui l'appuient, sur lesquels elle s'appuie aussi. Mais dans les faits, sous couvert de remboursement de la dette, sous couvert de lutte à l'endettement, On remet pas en cause certains des aspects de nos politiques publiques, certains aspects de notre mode de vie aussi, qui font que se creuse une autre dette qui est cachée. Et qui est beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus dangereuse et d'une ampleur démesurée, qui n'a aucune commune mesure avec celle de la dette publique. C'est la dette environnementale ou la crise écologique qu'on est en train de se préparer. Ben oui, comme tu le dis si bien, et d'ailleurs j'aime bien te citer, la maison brûle. L'humanité est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. Oui, ben c'est un peu ça. En fait, on est en train de... En fait, on a besoin de l'environnement pour vivre. On l'oublie, hein, au perché, comme on est avec notre orgueil d'être humain qui croit tout savoir et qui croit tout maîtriser. En fait, on connaît très, très peu les processus naturels qui gouvernent les écosystèmes de la planète et on joue un petit peu aux apprentis sorciers avec ces processus-là. Et on les dégrade aussi. On les dégrade jusqu'à les empêcher de se renouveler. C'est ça qui est grave, c'est que, par exemple, si on construit sur des terres agricoles, sur des sols agricoles, eh bien, on ne peut plus les utiliser pour l'agriculture, même si on enlève le béton par la suite, ces sols-là. Oui, il y a ça à Détroit, là, sur les stationnements des anciens, des anciennes usines de Ford. Puis de... Effectivement, oui, c'est possible de récupérer peut-être une certaine production alimentaire, mais on s'entend que le rendement sera pas là. On s'entend aussi que il y a une contamination qui se produit, donc qui se transmet aux plantes. Et je dis pas qu'il faut pas faire d'agriculture urbaine. Oui, c'est important quand même de le faire, mais bon, c'est un exemple pour dire qu'en fait, ce qu'on perd, en fait, on est vraiment dépendant des processus écosystémiques de la planète, de la nature qui nous entoure. Et quand on les dégrade, ça peut être vraiment long avant de récupérer leur plein effet, les services qu'ils nous offrent à leur pleine mesure. Donc, mais ça, on l'oublie. On l'oublie parce qu'on pense à court terme en tant qu'être humain. Et j'aime bien ton intertitre, l'environnement comme actif. Je vais lire un extrait. Assimiler l'environnement à un actif, utiliser l'analogie de la dette pour parler de la crise écologique est évidemment trompeur. Nous ne possédons pas l'environnement, c'est lui qui nous possède. La planète peut très bien se passer de nous, alors que l'inverse n'est pas vrai. Il serait donc plus juste de dire que l'humain fait partie des actifs de la planète, et un actif toxique. C'est un peu provocateur, non? Ben, on peut si on veut, mais c'est un peu ça, en fait. Quand on parle de protéger la planète, c'est pas la planète qu'on veut protéger, c'est notre capacité de survivre planète. Parce qu'en fait, la planète, si tous les humains disparaissent demain, la planète ne s'en portera que mieux. Là. On s'entend, la planète ne va pas exploser, elle ne va pas disparaître. C'est un abus de langage que de penser comme ça. C'est plus notre capacité de survivre sur cette planète qu'on souhaite. Je soupçonne que la planète soit discrète parce que si, ça aussi je cite dans ton livre, si les humains vivaient selon le même rythme de croissance que les Québécois, ben ça prendrait 3,5 planètes. Alors, s'il y a 2,5 autres planètes de cachet quelque part dans l'univers, probablement que la planète ne va pas nous le dire non plus. Où est-ce qu'elles sont, ces planètes? Non, effectivement, c'est ça. On n'a pas la capacité de coloniser d'autres planètes et c'est sans doute tant mieux. On n'a pas encore la capacité de le faire. Moi, je pense qu'avant qu'on ait changé de mode de vie, on est mieux de rester chez nous et de s'occuper de nos propres désastres qu'on est en train de créer. Mais en fait, pour en revenir à la question de l'humain comme actif toxique, effectivement, on est un actif de la planète et on est un peu les papiers endossés à des actifs de notre milieu de vie, si on veut, parce qu'on le dégrade considérablement et on rompt l'équilibre des équilibres qui existent, alors qu'on pourrait très bien s'insérer de manière beaucoup plus discrète en s'inspirant un peu de ce qui des processus naturels. Il y a moyen de s'intégrer beaucoup, beaucoup mieux dans notre environnement pour, en fait, c'est tout à notre avantage. C'est pas en tant que tel pour l'environnement, mais c'est pour nous. C'est pour que ça puisse, en fait, qu'on puisse bénéficier sur le long terme des services rendus gratuitement par la nature. Et il y en a vraiment plusieurs. tu fais référence aussi à un rapport très important. En fait, en l'an 2000, le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Kofi Annan, avait en fait donné un mandat d'évaluer scientifiquement l'ampleur des modifications subies par les écosystèmes dont nous sommes tributaires comme espèce, effectivement comme humain. Alors, il a rassemblé près de 1500 experts provenant de 95 pays pour faire ce qu'on a appelé dans le temps l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, les EM. Alors, en 2005, le rapport était vraiment camblant. Même si ça occupait, comme tu dis, un langage de comptable, là, mais c'est quand même utile des fois d'avoir des chiffres, des documents écrits. Mm-hmm. Qu'en est-il de ce rapport « Vivre au-dessus de nos moyens actifs, naturels et bien-être humain » Oui, ben c'était la première fois, en fait, que on établissait de manière directe et scientifique en empruntant le langage comptable, mais effectivement, ça peut nous aider à comprendre. Et je pense que l'objectif, c'était aussi de convaincre des décideurs qui ne parlent qu'en chiffres, en fait, qu'on vit au-dessus des moyens de la planète. C'est comme si on grugeait dans le capital des ressources. Imaginons que la planète, c'est de l'argent qu'on a en banque et que chaque année, c'est un placement qu'on a qui nous permet de vivre. On vit des intérêts chaque année. Donc, si on gruge dans le capital des ressources de la planète, eh bien, il y a moins d'intérêts qui sont générés par année. Et on s'entend que sur le long terme, on peut finir par épuiser ce capital et ne plus avoir la capacité de survivre. Donc, c'est un peu ça que ce rapport souhaitait lancer comme alerte. Et c'est aussi le rapport qui nous a, pour la première fois, indiqué que nous étions entrés dans la sixième grande extinction des espèces, ce qui n'est pas rien quand même, ce qui n'est pas rien. La dernière grande extinction des espèces, c'était celle qui a concerné les dinosaures. Donc, c'est quelque chose de très, très important. C'est majeur. Mais malheureusement, les actions n'ont pas suivi ce rapport qui était alarmant, mais non alarmiste, en ce sens que le rapport proposait une série de pistes avec lesquelles on peut être ou pas d'accord, mais quand même visait surtout à montrer l'urgence de la situation, mais offrir aussi des pistes d'action pour les gouvernements, chose qui n'a pas suivi. Les gouvernements ont, comme dans le cas des changements climatiques, on dirait que les États, c'est comme des gros bateaux lancés à grande vitesse sur les océans, puis les faire s'arrêter, puis de revenir en arrière, c'est très, très... Il y a comme une grosse, grosse force d'inertie. Il y a comme une difficulté qui fait que les changements ne sont pas arrivés, même si on sait tout ça depuis quand même assez longtemps, là. Oui, d'ailleurs, tu nous rappelles, suite à ce rapport, que la dégradation en cours, que le rapport n'hésite pas à qualifier de crise massive d'extinction des espèces, a entre autres empêché la réalisation des objectifs du millénaire, réduction de la pauvreté, de la faim dans le monde et de la maladie. Oui, c'était des objectifs que l'ONU s'était fixés à la fin des années 90 en se disant, bon, on arrive, on va changer de millénaire, ce serait important qu'on mm-hmm. fasse un geste, qu'on entre dans le nouveau millénaire en ayant éradiqué la faim dans le monde, ce qui est quand même un objectif fort louable avec sachant qu'avec toute la production alimentaire qu'on a actuellement, avec toute la production aussi, l'ampleur du pool économique, j'ai envie de dire, on a assez de ressources pour que chacun mange à sa faim et que chacun vive bien, vive décemment. Malheureusement, on le sait, les inégalités sociales font en sorte que une grosse partie de ces richesses-là, de ces ressources-là sont concentrées dans les mains de quelques personnes. Ce qui fait que ici au Canada, en fait, on gaspille 50% de la nourriture qui est produite, de la nourriture de la terre à la table, il y a 50% qui est jeté aux ordures, alors que d'autres personnes un peu ailleurs dans le monde ne mangent pas leur faim. Donc c'est ce genre de déséquilibre-là d'une part qu'on remarque et d'autre part, ben, en fait, comme je le disais, les inégalités sociales sont telles qu'actuellement 65 personnes, selon Oxfam, possèdent autant que les 50% les plus pauvres de la planète, ce qui est aberrant en soi, évidemment. Et d'ailleurs, de plus, il y a un rapport présentant en 2008 à Bonn, dans le cadre de la conférence de l'ONU, faisait état d'une perte de 73% de la biodiversité mondiale d'origine en l'an 2000 et prévoyait une perte supplémentaire de 11 à 20 % d'ici 2050. Donc, son rapport intitulé « Le coût de l'inaction politique » chiffrait la perte du bien-être liée à la réduction des services écosystémiques entre l'an 2000 et 2050 à 14 trillions. Je ne sais même pas combien ça fait de zéro, ça. 2 euros. Donc, ce qui veut dire que les trois quarts de la biodiversité est en voie de disparition et en 2050, au moment où on aura supposément réussi à diminuer l'impact des humains sur les changements climatiques, les dérèglements climatiques, eh bien, ça pourrait monter jusqu'à 90 %. Ça veut dire que, voyez 10 oiseaux alentour de vous, là. D'ailleurs, il y en a un, là, la maison, le jais-gris, là, qui a été nommé l'oiseau du Canada. Mm-hmm. Peut-être parce que, justement, c'est un de ceux qui a plus de chances de survivre, là. Donc, en 2050, il se peut qu'on ait juste de ces jais-gris, ces mésanges qui sont vraiment tough et qui ont une certaine intelligence, qu'on dit l'équivalent de chimpanzé, des fois. Mm-hmm. Donc, mais tous les 9 autres oiseaux là, que vous voulez, le jais bleu, par exemple, ou d'autres oiseaux que vous aimez, ben ils ne seront plus là dans 50 ans. Ben c'est ça, c'est que c'est une réaction en chaîne. Hein. Ce qui arrive, c'est que si une espèce disparaît, ça entraîne la disparition d'autres espèces en raison de la chaîne alimentaire en partie, puis d'autre part aussi en raison des interactions qui existent au sein d'un écosystème entre les espèces. Donc, la disparition, ben, quand on dit qu'on est entré dans la sixième grande extinction, c'est ça que ça veut dire, 90 % des espèces de la planète pourraient être disparues d'ici un peu plus de 30 ans. C'est énorme. Et en fait, le chiffre qui est associé à ça, 14 trillions d'euros, ça nous paraît beaucoup. C'est une somme considérable, mais dans les faits, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on disposait de cette somme-là, on ne pourrait pas remplacer ces services-là. On n'a pas la capacité, de, par exemple, de remplacer le travail des abeilles dans le monde. Les abeilles, on le sait, je pense que ça a beaucoup circulé sur les médias mm-hmm. sociaux, dans les nouvelles. Les abeilles sont menacées. Les abeilles sont responsables de la pollinisation d'un grand nombre d'espèces mm-hmm. végétales. Si elles disparaissent, c'est ces espèces végétales-là qui... C'est pas juste le miel qui va disparaître. Non, ce sont ces espèces végétales-là qui ne pourront plus se reproduire ouais. sans les abeilles. Mm-hmm. Ça inclut une grande partie de la production alimentaire mondiale. Surtout si on veut remplacer la viande par des légumineuses, par exemple. Effectivement. Il faut mais quand même que nos abeilles soient là. Les abeilles sont responsables de la pollinisation d'une grande partie des fruits et de beaucoup de légumes aussi et de certaines graminées, de certaines mm-hmm. céréales, si on veut, et légumineuses. Donc, c'est très, très grave et on n'a pas la technologie pour remplacer ça. On l'a pas. Et même si Monsanto, Monsanto, je sais pas comment va s'appeler le nouvel hybride Bayer-Santo, même si, bon, il y avait des rumeurs à l'effet qu'ils pouvaient faire des petits drones en forme d'abeilles qui pourraient remplacer. Bon. Les solutions technologiques, faut oublier ça. Ouais, l'économie verte. Ça entraîne d'autres problèmes parce que pour faire ces, par exemple, même si on était capable de faire des drones qui font le travail des abeilles. Admettons que la technologie soit disponible. Eh bien, pour faire ces drones-là, il va falloir l'extraction de métaux en quantité considérable, de terres rares. Alors que la nature nous offre tout ça. Tout ça gratuitement. Puis notre empreinte écologique. Effectivement, oui. Elle est là. Il y a des statistiques, on va vous éviter tous les chiffres, mais vraiment, on s'en va, on marche, comme tu le dis si bien, d'un pas lourd vers le précipice. Mm-hmm, tout à fait, parce qu'en fait, l'empreinte écologique, en fait, ça se calcule, on regarde quelle est la biocapacité d'un territoire. La biocapacité, c'est la capacité des écosystèmes naturels de se renouveler. Ça peut être naturel ou pas. Ça peut être des écosystèmes qui sont maintenus par les hommes aussi, comme la production agricole, les pêcheries, la foresterie et d'autres écosystèmes comme ça. Donc, on voit quelle est sa capacité de régénération à chaque année. Et ça, on calcule ça en hectares, donc une mesure de superficie qui équivaut à 10 000 mètres carrés, en hectares par personne. On divise la biocapacité par le nombre d'habitants du territoire. Donc, ça nous donne une mesure. Et de ça, on soustrait la consommation aussi en hectares par personne. Donc, combien la consommation de chaque personne prend d'espace Et ça, ça nous donne l'empreinte écologique qui peut être positive ou négative. Si elle est négative, ça veut dire qu'on consomme trop de ressources par rapport à la capacité de notre territoire. Et bon, la capacité du territoire, elle est affaiblie, on le sait, par tout ce qu'on a mentionné, par en fait les activités humaines qui ne tiennent pas compte de sa capacité de régénération. Donc, quand on parle de gruger dans le capital des ressources de la planète, c'est justement d'affaiblir la capacité d'un territoire de régénérer d'une année à l'autre sa production de laquelle on dépend pour vivre. Donc, c'est un peu ça, l'empreinte écologique. C'est assez c'est pas si complexe que ça quand on voit par écrit. C'est un peu complexe à expliquer. Mais l'idée, c'est qu'on utilise trop de ressources par personne pour la capacité du territoire de subvenir à nos besoins. Ce qu'on comprend, c'est que la maison brûle et l'on tente de nous faire croire qu'il faut vendre les meubles avant de lutter contre l'incendie. Et le capitalisme vert, c'est pas la solution. Les technologies vertes, on a beau inventer des capteurs de carbone, les solutions sont pas là. Ben, c'est que ces solutions-là entraînent toujours d'autres effets. Ça entraîne d'une part un effet rebond, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un gain d'efficacité avec une technologie, ça finit que ça fait baisser son prix, ça finit que les gens... Ben, on peut penser par exemple à l'auto, les autos hybrides. Ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec les autos hybrides? Il y a un gain énergétique qui s'est passé. Là, globalement, il y a eu des subventions, il y a eu toutes sortes de choses, il y a eu une baisse de prix. C'était très cher au début, c'est devenu moins cher. Et globalement, plus de gens se sont mis à en acheter et les modèles de voitures ont grossi, ce qui fait qu'un VUS hybride consomme plus d'essence finalement qu'une petite voiture à essence. Donc, le gain énergétique dans ce cas-là qu'on obtient est rapidement comblé par, en fait, la surconsommation. Bien, merci beaucoup, Dominique Bernier. Donc, c'était un aperçu de ce que vous pouvez lire, parce qu'il y a quand même plusieurs pages qu'on a sautées pour donner le goût de lire La dette du Québec, vérité et mensonge, et surtout le chapitre de Dominique Bernier, La pire des dettes, notre empreinte écologique. Restez avec nous après la pause, Philippe Hurtault, qui lui fait partie de ce groupe là, de chercheurs de l'IRIS qui se sont penchés sur des chantiers anti-austérité. Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allé au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes, pour toi, mon amour. Et puis je suis allé au marché aux esclaves et je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. CKRL 89.1. L'Orchestre symphonique de Québec vous invite au Cirque de la Symphonie, un mariage éblouissant entre les arts du cirque et la musique symphonique où musiciens, acrobates, jongleurs, contorsionnistes et équilibristes se côtoieront. Ne manquez pas ce rendez-vous spectaculaire les 25 et 26 novembre au Grand Théâtre de Québec à 20h. Détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison. Chaque année, le Père Noël reçoit plus d'un million de lettres des enfants du Canada et de partout dans le monde. Il lit chaque lettre qu'il reçoit et chaque personne qui lui écrit reçoit une réponse. Comment fait-il? C'est magique. On ne le sait pas vraiment. Mais si le Père Noël a trouvé le moyen de faire voler ses rennes, c'est qu'il a plus d'un tour dans son sac. Alors, envoyez vos lettres à cette adresse. Père Noël, Pôle Nord, Canada, HOHOHO. Et n'oubliez pas d'indiquer l'adresse de retour pour qu'il réponde. Votre entreprise compte moins de 50 personnes et vous cherchez une assurance collective à prix abordable? Faites comme plus de 30 000 entreprises qui ont trouvé la bonne solution en adhérant à l'assurance collective du régime d'assurance collective des chambres de commerce. Numéro 1 au Canada en matière d'avantages sociaux, le régime des chambres de commerce offre depuis plus de 40 ans un large éventail de garanties telles que les soins médicaux complémentaires, l'assurance invalidité, les soins dentaires, les prestations en cas de maladie grave et des solutions de retraite collective. Communiquez avec notre conseiller en sécurité financière et assurance collective, Michel Yacoub, au 418-529-4226 ou par courriel à michel.yacoub@commercialsympatico.ca. Un souper chez Os, rôtisserie de quartier à Limoilou, ça me convient parfaitement. J'hésite entre l'assiette de préservé ou bien les croquettes au fromage Hercule de Charlevoix comme entrée. Puis, c'est certain que je vais prendre le poulet de grain qui me fait tourner la tête avec son illustre sauce Os. Une visite s'impose chez Os, rôtisserie de quartier, 1166 3e Avenue à Limoilou. Réservation par téléphone et menu disponible sur notre page Facebook. Philippe Hurteau, bienvenue à Grain de Sable. Il y a Dominique Bernier qui est avec nous en studio. OK. Bonjour. Oui, Philippe Hurteau, vous êtes politologue. Vous complétez actuellement un doctorat, à moins que ça soit terminé. Vous êtes toujours doctorant à l'Université d'Ottawa. Oui. Oui, tout à fait. En pensée politique, c'est intéressant. Je ne savais pas que ça pouvait être un sujet aussi intéressant. Résumé en deux mots, il s'intéresse principalement aux mutations de l'État sous l'effet du néolibéralisme, tant par l'analyse des changements apportés au régime fiscal que par l'étude des transformations des modalités d'opération des services publics. Il me semblait que ça allait se compliquer un peu, vos études. Ah, mais c'est intéressant. Et puis, vous vous êtes penché aussi sur le principe utilisateur-payeur, ainsi qu'à des critères de performance pour la répartition du financement induit, un biais en faveur des plus fortunés et limite la capacité d'action collective. C'est vrai ça que 65 personnes contrôlent combien, Dominique? Autant que 50%, les 50% de la planète les plus pauvres, selon Oxfam. Ah oui, bien ça, tout à fait. C'est une bonne manière de montrer que la répartition de la richesse, c'est souvent aussi un enjeu de répartition de pouvoir et de répartition de capacité de mettre en place des politiques publiques pour le bien commun. Donc, disons, ce genre de statistiques-là nous montre, explique assez bien pourquoi les inégalités augmentent depuis 30 ans, finalement. Mais vous travaillez aussi comme chercheur à l'IRIS, et l'IRIS sous la direction de Gabriel Bray-Harvey. Pour sortir de la seule critique des élites au pouvoir, l'IRIS a décidé de brasser la cage. Quelles seraient les politiques qu'un gouvernement au service du bien commun pourrait mettre en branle dans un premier mandat? Donc, vous êtes en train de nous faire rêver, mais pourquoi ce projet, Philippe Hurteau? Ben, en fait, ça serait simplement le travail. 99% du temps, qu'est-ce qu'on fait à l'IRIS? Qu'on fait des recherches, des conférences, des publications, qu'on va dans les médias, c'est pour décrire la situation actuelle, c'est pour critiquer les politiques publiques, pour dire pourquoi les politiques publiques, la situation du Québec, pourquoi ça va pas finalement, pourquoi les inégalités augmentent, pourquoi on est incapable de mettre en place des chantiers qui nous permettraient d'atteindre nos objectifs pour lutter contre les changements climatiques. Et avec ça, donc le travail critique, tout à fait essentiel, mais souvent on a envie aussi de pouvoir proposer, de pouvoir y aller en me disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux faire les choses. Si on est capable de comprendre qu'est-ce qui va pas, ben il est aussi important de pouvoir proposer des alternatives. Et c'est un peu cette volonté-là qui a animé notre idée de vouloir y aller un peu plus positivement, de dire ben qu'est-ce que les risques, qu'est-ce qu'on est capable de mettre sur la table comme proposition pour changer le Québec, et surtout c'est quelque chose qui cogite en nous depuis assez longtemps, mais que dans les dernières années, mais les derniers mois, et là, avec le contexte de l'élection américaine, on sent vraiment chez nous un sentiment d'urgence. Il faut qu'on soit capable de se renouveler notre discours, renouveler nos propositions, renouveler notre manière de penser les alternatives pour être capable de rejoindre la population, parce que manifestement, il y a quelque chose que la droite réussit mieux que nous, c'est-à-dire offrir un projet, même s'il réussit de manière complètement folle et complètement aliénée, ils réussissent quand même à parler aux gens et leur vendre un projet. Et il est temps que les gens plus à gauche, on soit capable de se ressaisir et se renouveler, finalement. Oui, puis souvent, la politique de droite, les politiciens de droite sont malheureusement au pouvoir, alors que là, on est un peu dans la politique fiction. Et donc, pourquoi ces cinq chantiers prioritaires que je vais énumérer, là, la réduction du temps de travail, la démocratisation de l'économie et des lieux de travail, la solidarité sociale, l'occupation du territoire et la transition écologique? Est-ce qu'ils sont dans l'ordre d'importance? Oh non, ben là, ça, c'est l'ordre est un peu arbitraire. Là, à la fin, il a fallu qu'on tranche un ordre. On s'est estimé un peu savoir qu'est-ce qui devait aller comment, comment tout s'emboîtait. À la fin, on a fini presque en tirant au sort, finalement. Non, mais c'est vraiment... En fait, c'est beaucoup des chantiers qui émanent de nos travaux. On travaille sur les inégalités, sur le donc ça nous amenait à penser un chantier sur le bien-être. C'est-à-dire, on voit qu'au Québec, une personne sur dix a même pas l'essentiel pour se payer un panier de consommation de base, mais comment une société riche comme le Québec serait capable, par l'instauration d'un revenu minimum garanti, par exemple, de fournir le minimum à tout le monde. Même chose au niveau du travail, on voit une perte de sens du travail. Les gens vont travailler mais sont de moins en moins capables de lier un quelconque sens positif à leur travail. Mais comment démocratiser le travail? Comment faire en sorte que on soit citoyen aussi sur les lieux de travail pour redonner sens à notre activité? C'est pour ça qu'on s'est pensé sur un chantier sur la démocratisation du travail à travers une stimulation du modèle coopératif, de l'économie sociale, une démocratisation des services publics. Même chose pour le temps de travail. Comment mieux accommoder les différents temps de la vie, temps de travail, temps de famille, temps personnel, temps social, temps d'amitié. Comment réussir à qu'on n'ait pas toujours le temps de l'impression de manquer de temps, de courir après notre temps, mais qu'on ait une amélioration de notre qualité de vie à travers une amélioration de notre rapport au temps, finalement, une amélioration de notre rapport au territoire et aussi, bon là, à la fin, bien entendu, qu'on se pose la question, il faut aussi, en faisant tout ça, il faut aussi être capable de s'assurer qu'il y ait un environnement sain à léguer aux générations futures. Donc, comment se doter de cibles, non pas réalistes, mais de cibles, quelles cibles on doit se doter pour lutter contre les changements climatiques et comment commencer. Comment, si on veut aujourd'hui diminuer les émanations de gaz à effet de serre, c'est quoi un premier pas, notamment à travers la stimulation du transport collectif en milieu urbain et du transport collectif interurbain, qu'on appelle, donc pour aller d'une ville à l'autre, qu'on ne soit pas obligé pour aller de Québec à Trois-Rivières, à Drummondville, à Rimouski, etc., qu'il y ait un meilleur service de transport interurbain collectif pour diminuer notre dépendance au transport individuel. Donc, on veut réfléchir, mais on veut quand même tendre vers des solutions concrètes, comme par exemple, je sais que le groupe de Saint-Pierre volontaire, une des choses qu'ils suggèrent aux gens pour se ralentir, pour avoir plus de temps pour eux et leur famille, c'est de travailler, de faire la promotion de la semaine de 4 jours, par exemple. Donc, oui. Nous, on est allé avec la semaine de 32 heures, hein, ce qui est une manière d'arriver un peu à la même chose, c'est-à-dire soit 4 jours, soit sur 5 jours, mais des plus petites journées, comme par exemple, hein, souvent les gens qui ont des jeunes familles, ça peut être une bonne idée de travailler un 4 jours, mais réparti sur 5, comme ça permet d'avoir une meilleure latitude pour aller le matin à la garderie, le soir également. Donc, l'idée, c'est pas non plus d'arriver avec un modèle, disons, trop mur à mur ou trop rigide. Le rapport au temps, c'est un rapport qui doit être flexible, mais qui ne doit pas être la flexibilité imposée par la volonté patronale, c'est-à-dire d'être disponible pour le travail quand le travail a besoin de nous, mais qu'on soit capable d'organiser les différents temps en fonction de, oui, bon, il faut acclimater certains enjeux de travail, évidemment, mais aussi en fonction de notre vie personnelle et notre vie familiale. Il y a certains, en fait, on pourrait penser que ces chantiers-là sont un peu emboîtés les uns dans les autres, en ce sens que il y a vraiment des liens à faire si on pense en matière de transition écologique. Certains penseurs le réfléchissent en termes de Green New Deal, d'une certaine manière. Ça a été un peu galvaudé là par certains politiciens, mais dans les faits, la transition écologique en soi peut créer énormément d'emplois et des emplois qui font du sens aussi, parce que on travaille dans l'optique d'améliorer notre rapport à l'environnement, donc c'est porteur de sens pour beaucoup de gens par rapport à travailler dans le sens inverse, c'est-à-dire produire davantage de choses qui viennent, en fait, accentuer le problème, que ce soit en propageant des idées néfastes ou que ce soit en produisant des objets en tant que tels. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment lié. Oui, tout à fait. On préfère le même lien avec la diminution du temps de travail, hein, qu'on passe plus de temps à faire autre chose qu'à produire des biens et des services, mais qu'on passe plus de temps à profiter de la vie. Il y a ça. C'est la même chose avec notre chantier sur le territoire. Est fort intéressant. Une proposition, hein, de créer des fiducies foncières, c'est-à-dire des zones comment, à travers des pouvoirs locaux, soit au niveau des arrondissements, au niveau des municipalités, mais aussi avec nos responsabilités au niveau national, comment recréer des solidarités locales, comment attribuer à des espaces urbains ou en région des finalités qui sont pas les finalités de la production, de la spéculation, finalement, ça peut être des finalités de travail collectif, des finalités culturelles, des finalités artistiques, pour justement aussi réussir à habiter notre territoire autrement qu'en fonction, disons, des intérêts industriels, des intérêts de la grande production agroalimentaire, des intérêts du marché mondial. Donc ça aussi, ça peut participer à relocaliser les circuits de distribution à plus petite échelle, qui est une autre manière aussi de mettre en place le fameux Green New Deal. En effet, j'aime beaucoup la question des fiducies foncières agricoles parce que c'est vraiment un hack social qui a été implanté. Les fiducies à l'origine... C'est quoi, c'est un hack? Un hack dans le sens que, en fait, les fiducies à l'origine, c'était des outils pour permettre aux riches de protéger, en fait, leur territoire, leur possession, notamment leur domaine, si on veut, dans certains cas. Et là, ça a été récupéré, en fait, par notamment une ferme très, très à l'avant-garde au Québec qui a réussi à créer une fiducie foncière agricole pour, en fait, ce que ça fait, c'est que ça retire la notion de propriété en ce sens que la terre devient définie par son usage et non plus par son propriétaire. Donc, la terre n'est plus une propriété en tant que telle, mais dans ce cas-là précis, c'était de dédier la terre à l'usage agricole, biologique, à perpétuité. Donc, ça vient retirer la notion de propriété en tant que telle parce que la fiducie est gérée par des fiduciaires qui sont comme... éternels. C'est un comité, en fait, chargé de s'assurer que l'usage est maintenu selon les termes de la fiducie. Donc, je trouve que c'était un beau retournement de situation, d'utiliser des outils qui ont été créés à toute autre fin, un peu presque une fin inverse, mais pour s'assurer que on amène des transformations sociales importantes là, dans le territoire. Oui, ce qui est intéressant là-dedans, il faut bien le dire, c'est que c'est un levier qui est quand même, bon, on s'entend, là, très rares sont les municipalités qui veulent créer ce genre de fiducie-là, mais c'est quelque chose qui est accessible, hein, il est possible. Par exemple, si on se donne un objectif de politique publique, repérer les terrains vagues en centre urbain, dans les centres-villes, en milieu urbain, c'est quoi les terrains vagues, les terrains non utilisés, et se dire que un pourcentage là, qu'il faudrait attribuer, qu'est-ce qui est réaliste, est-ce que c'est 10, 15, 25, 30% de ces terrains vagues-là doivent être occupés à l'avenir, doivent être réservés pour des fiducies foncières et que par moyens démocratiques, par des comités de citoyens, on peut attribuer des missions à ces terrains et les transformer en fiducie foncière, mais les réserver avant que ce soit bon des promoteurs de condos qui mettent la main dessus, les repérer, les réserver pour que justement les centres urbains et les villes soient autre chose que soient définis en termes d'urbanisme autrement que par la volonté de certains promoteurs finalement. Ce qui est le cas actuellement, le bilan des 15-20 dernières années dans les villes au Québec, les villes partout au Canada, ont été, l'image urbaine a été définie beaucoup par les promoteurs de condos. Le renouvellement urbain a été défini comme ça. Mais comment le définir autrement? On a là une pratique accessible, si bien entendu, il y a une volonté politique d'aller dans ce sens-là. Et parmi, Philippe Routeau, parmi tous ces chantiers anti-austérité, dit-on, vous nous donnez le goût d'embarquer, là. Comment on procède? Est-ce qu'il y a aussi des exemples concrets, outre si on veut faire la promotion de la semaine de 4 jours, de transport collectif entre Trois-Rivières et Québec? Est-ce qu'il y a des modèles coopératifs ou des choses concrètes là, que vous proposez? Ben, on est allé vraiment, on s'est dit... On a vraiment pris l'idée du chantier au sérieux, si je peux dire. Ce qu'on s'est dit, on veut pas arriver avec un programme au sens « voici le programme de l'IRIS, hein, élisez l'IRIS au gouvernement et puis voici comment ça va marcher pendant 4 ans avec un cadre financier, puis les plus, puis les moins ». On n'a pas fait ça parce qu'on voulait vraiment, nous, on a l'impression qu'au Québec, il y a là un goût très fort pour aussi de bouillonnement des idées. Faut qu'on se parle. Un peu dans cette idée-là, un peu dans cette dynamique-là, nous, on a commencé à travailler là-dessus en janvier l'année passée. On le sent, en fait, depuis la grève de 2012, on sent que il y a une frange de la population qui a retrouvé le goût un peu pour le changement social, la transformation, l'implication. Et on se dit comment on peut participer à ça. Donc, il n'y a pas on lance des pistes d'idées, comme on parle un peu depuis tantôt. On n'est pas arrivé avec un plan bien défini parce qu'on s'est dit justement, il faut voir aussi, ben, dans ces idées-là, peut-être qu'il y en a qui sont bonnes, peut-être qu'il y en a qui sont pas bonnes, peut-être qu'il y en a qui vont susciter de l'intérêt, d'autres qui vont pas susciter d'intérêt. Donc, avant de commencer à parler un peu plus concrètement comment on pourrait atterrir sur un plan de politique publique, ben, il vaut d'abord laisser le temps de la réflexion, laisser le temps de la discussion. En terminant, Philippe Hurtault, j'aimerais que vous nous rappeliez, parce que sur votre site web, on voit une vidéo, d'ailleurs, je pense que c'est vous qu'on voit, expliquer pourquoi on pourrait soutenir pour un 5 ou 10 $ les chantiers. Comment on procède? Ben, en fait, c'est en devenant membre de l'IRIS, hein, c'est ça, vous pouvez aller sur le site internet de l'IRIS, vous devenez membre, c'est 5 ou 10 $ par mois, et là, vous soutenez les activités de l'IRIS. Donc, l'ensemble de notre travail, qui est aussi une partie très critique, c'est-à-dire comprendre les politiques publiques, dire pourquoi elles marchent, pourquoi elles ne marchent pas, mais aussi, avec le lancement de ces chantiers-là, on s'engage à continuer le travail, c'est-à-dire faire une suite au document qu'on a lancé la semaine passée pour continuer à penser comment on peut mettre de l'avant des politiques publiques pour transformer le Québec, pour que le Québec soit plus juste, plus équitable et plus vert. Et pour faire ça, on a évidemment besoin du soutien des gens pour qu'on puisse mobiliser le travail, pour qu'on puisse mobiliser les gens pour développer ces chantiers-là. Ben, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps dans ce beau samedi. Ah ben, merci à vous. Au revoir. Au revoir. On vous laisse avec la chanson préférée de Fidèle, qui est une chanson qui a été dédiée à Fidèle. A qui pensaban ser Tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel. Sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. C'est Carlos Puebla. Et oh là, tu vas m'aider, Dominique, le titre est En Eso Lego. Fidel, song dedicated to Fidel Castro. Et c'était donc une chanson qu'il appréciait beaucoup. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Faudrait que je le lise pour te le dire. Ouais, je sais pas si Donald Trump, président désigné des États-Unis d'Amérique, va se rendre aux funérailles de Fidel, mais juste pour te donner le goût de réagir, Dominique Bernier, semble-t-il que Myron Ebell, la secrétaire d'État à l'environnement, là, une sorte de ministre de l'Environnement des États-Unis là, qui va rentrer en fonction le 20 janvier prochain, à moins que la CIA la bloque ou la FBI ou je sais pas trop, pour des raisons de sécurité, mais calme et extérieurement aimable, dit-on de Myron Ebel, n'hésite pas à user de l'insulte à l'occasion. Après la publication de l'encyclique Laudato Si du pape François en 2015, il a ainsi dit du pape qu'il est scientifiquement mal informé, économiquement analphabète, intellectuellement incohérent et moralement obtus. On donne un aperçu à quoi ça va ressembler en 2017, la politique aux États-Unis. Ebel a qualifié d'illégal le plan d'énergie propre de l'administration Obama sur les gaz à effet de serre. Il a déclaré que l'adhésion du président des États-Unis à l'accord de Paris sur le climat est manifestement une usurpation inconstitutionnelle de l'autorité du Sénat. Pour lui, comme il l'a déclaré à Vanity Fair en 2007, il a eu le temps de changer d'idée, non? Tout comme Donald Trump, il y a bien eu un peu de réchauffement, mais très modeste. On parle de réchauffement climatique, là. Très modeste et conforme à la variabilité naturelle, quel que soit ou non causé par des êtres humains, il n'y a pas à s'inquiéter. Alors voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Je me demande bien qui le finance, qui finance ce personnage. En fait, il a été lobbyiste, évidemment, pour toutes les entreprises que tu peux t'imaginer. C'est ça, c'est un cas classique de climato-sceptique. Et je pense que Donald Trump s'entoure de personnages de cette trempe un peu partout. Il a nommé à l'Agence de protection de l'environnement aussi un climato-sceptique notoire. Il veut la relance du charbon. Rien de moins. Le charbon, en fait, ce serait vraiment surprenant que ça fonctionne, une relance du charbon. Peut-être qu'il va pouvoir y avoir à court terme une création d'emplois. On sait qu'il table, Donald Trump, sur les pertes d'emplois massives dans le secteur manufacturier, dans le centre des États-Unis notamment. Il s'est fait élire globalement par, justement, une population désabusée, une population qui a des difficultés économiques depuis très, très longtemps, puis qui est prise avec un taux de chômage endémique là, dans certaines régions. Suite notamment à l'ALENA, c'est vrai que les traités de libre-échange ont beaucoup nuit au secteur manufacturier américain, au secteur aussi. Puis bon, effectivement, la sortie du charbon, c'est sûr que ça cause des pertes d'emplois, mais ces emplois-là pourrait très bien être reconverti dans les énergies renouvelables. Les États-Unis ont quand même tout ce qu'il faut en termes technologiques pour se convertir aux énergies renouvelables. Ce qui manque, c'est la volonté politique et ça ne vient pas de s'améliorer avec l'élection de Trump. Non, on peut voir, il y aura probablement de l'inaction volontaire de ce futur gouvernement de notre voisin. J'aimerais parler d'une conférence très importante qui s'en vient. Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, s'en vient à Québec le 7 décembre prochain sur le thème « L'incompatibilité du libre-échange et l'environnement ». Donc, je ne sais pas si tu vas avoir le temps d'y aller, Dominique, mais je pense que ça peut être intéressant d'y être. Moi, je vois déjà des bonnes questions qu'on va pouvoir poser à Claude. Et donc, on vous présente cette activité. Le libre-échange est incompatible avec une bonne protection de l'environnement. D'abord, parce que leurs tribunaux d'arbitrage permettent aux entreprises de défier les lois environnementales adoptées par les gouvernements. La majorité des poursuites concernent cette réglementation, imaginez-vous. Mais aussi parce que le libre-échange favorise l'utilisation de circuits longs, dont la conséquence est une grande consommation d'énergie fossile. Il devient alors nécessaire de repenser le commerce international en fonction d'une meilleure protection de l'environnement, ce qui ne peut pas se faire dans le cadre actuel des accords de libre-échange. On voulait parler de libre-échange et d'environnement, les deux en même temps, c'est tellement important. Autrement dit, si vous voulez savoir vraiment si c'est plus important de s'intéresser au libre-échange qu'aux conférences climatiques comme il y a eu à Marrakech, la COP22. D'ailleurs, si on avait un petit peu de temps, j'ai une amie africaine, sénégalaise, qui participe à Marrakech. Elle aurait pu nous parler de ce qui s'est passé là-bas, mais on va s'en garder un peu pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Dominique Vernier, d'être venu. Merci, très intéressant, Jean. Toujours bien documenté. Alors, on vous rappelle cette publication importante, La dette du Québec, vérité et mensonge, aux éditions M Éditeur, en fait. Merci beaucoup. À la prochaine, c'était Jean Cloutier. Restez là, les amateurs de geeks qui vont vous contre-attaquer. Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Yeah. CKRL 89.1. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Thierry de la succursale Saint-Roch vous propose « Qu'il y reste ». Cette bande dessinée à la fois naïve et puissante, ayant le pouvoir de plaire à un public de tout âge, nous invite à suivre quatre incarnations de nos peurs de jeunesse dans un hommage merveilleusement réussi à un illustrateur d'une autre époque, Yvan Bilibine. Et Christian, de la succursale du Vieux-Québec, vous suggère « Cartel » de Don Winslow. Un monument littéraire, un portrait amoureux et tragique du Mexique, le roman d'une guerre sans fin et démentielle, la guerre contre le trafic de la drogue. Incontestablement un coup de cœur policier de l'année. La librairie